Avant de traverser, je dois contrôler à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.